nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Vous êtes bien sur RKB pour Hent à Brezhoneg. Aujourd'hui, l'émission Trihand Perzek à Perugen 395. Comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué. Alors, je ne sais pas si Henri va continuer sur la poule et la ponte. on va parler d'un adjectif aujourd'hui. Donc, un adjectif qualificatif qui est Hudur. H-U-D-U-R. Alors, généralement, il est traduit dans tous les dictionnaires par sordide. Alors, ça m'embête un peu parce que, pour moi, c'est un sens qui est en fait beaucoup plus large, mais qui est difficile à définir, en fait, parce que l'adjectif en français correspond pas du tout à un sordide, ça correspond pas vraiment à Hudur. Donc, l'étymologie du mot n'est pas claire. Même Albert Dehay ne sait pas trop à quoi rattacher ce mot-là. Et si Albert Dehay ne sait pas, je ne vois pas qui pourrait le savoir. Donc c'est un mot d'origine obscure, hein, Hudur. Et alors, le mieux pour comprendre ce que ça veut dire, c'est d'écouter les bretonnants, en tout cas les bretonnants de naissance, donc qui emploient souvent ce mot-là. Par exemple, on va dire « trop Hudur », hein, des choses affreuses, des choses terribles, des choses tristes, hein. Par exemple, on va dire de quelqu'un « Kave meznan Hudur », hein, « je l'ai trouvé ». Alors en français, en bretonnisme, on dirait « triste » aussi. Celui-là est arrivé triste. Ouais. Hein, quelqu'un, par exemple, qui est malade et hein, qui a maigri, par exemple, hein, qui est… Voilà, « Hudur », hein. ». Et c'est aussi pour toutes sortes de choses qui sont un peu terribles, quoi. « Klem ou Hudur », hein, des plaintes terribles, voilà. On le dit aussi pour le temps, Amzor Hudur, un Amzor Zor Hudur, c'est-à-dire le temps est terrible d'une certaine façon, quand même. Voilà. Alors c'est un mot, donc ça se rapproche dans le sens. Hein, on pourrait dire aussi triste au sens breton du terme un peu, quoi, parce que quand on dit triste, en breton, c'est pas tout à fait la même chose qu'en français. C'est autant un aspect qu'un état d'esprit. Ouais, c'est ça. On dit triste, hein. Voilà. Délabré un peu. Délabré, oui, voilà. Alors, il y a aussi le sens de pitoyable. D'ailleurs, parfois, en breton, on emploie pitoyable. Mm-hmm. Hein, pitoyable, hein, c'est vraiment, en bretonisme, hein, quelque chose qui fait pitié, quoi. Pour faire pitié, il y a truésus aussi. Hein. Truésus, hein, qui engendre la pitié. D'ailleurs, les adjectifs en us, qui sont terminés par le suffixe us, comme ça, correspondent souvent à un effet. Hein. Par exemple, truésus, eusus aussi. Hein. Eus, la racine, c'est eus, hein, qui veut dire atrocité, abomination, voilà. Hein, c'est un mot celtique qu'on trouve d'ailleurs en gallois et en cornique, hein, sous le sens de, en gallois et en cornique, c'est plutôt le sens de peur, quoi. Et donc, en breton, le mot eus, proprement dit, n'est pas tellement usité, mais par contre, l'adjectif, hein, eusus, hein, qui est terrible, qui est affreux, qui est épouvantable, hein, eusus. Hein. Mais alors, ce qu'il y a aussi, c'est que, on a souvent des mots comme ça, dont on retourne un peu le sens en breton, parce qu'on peut dire aussi eusus dans le sens de formidable, hein, zewabra eusus, hein, un peu comme on emploie des fois abominable en breton, abominable pour dire quelque chose d'extraordinaire. Il y avait un rendement abominable. Abominable, oui. Abominable, oui. Il y avait une dame de grâce, là, une voisine qui avait entendu un chanteur dans un repas des anciens, comme ça, qui était un Parisien, et elle lui a dit « Je vous ai entendu chanter, c'était abominable. » Et ça veut dire que c'était très bien, mais lui, il comprenait pas trop bien, quoi. Abominable, hein. Donc on renverse. Et là, c'était hein, « eusus », c'est pareil. « Zewaker, eusus ». Donc, selon le sens, selon l'utilisation, hein, voilà, on peut avoir des sens différents. Alors, « truésus », c'est pareil. Hein. Alors, il y a « spontus » aussi, hein, qui est écrit, c'est la même chose, hein, ça provoque de l'effroi. Alors, spont, hein, et spontus, qui provoque de l'effroi. Hein. Il y avait un bandit célèbre autrefois dans la forêt de Kergrist, des Kergrist moelleux, qui s'appelait Spontus. Voilà, il a mal fini d'ailleurs. Il a été poignardé par une jeune fille qu'il avait agressée. Avec son propre poignard. Ça, c'est toute une histoire. Il y a une chanson, il y a une guerre qui avait été écrite là-dessus. Voilà, Spontus. Hein. Et alors, ça, le verbe, c'est spontin, hein, avec le participe passé, spontet. Et d'ailleurs, en bretonisme aussi, hein, je l'ai entendu utiliser hein, en disant sponté. Hein. On est sponté. Oui, hein. Oui, ça se fait assez souvent, hein, en français, quoi. Voilà. Et ben voilà où nous a amené Hudur. Une petite promenade parmi les adjectifs un peu spontus comme ça. Voilà. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission, Brezonek t'en m'attend. Et on passe maintenant à la seconde partie de ce Hentar Brezonek. On retrouve un petit dialogue entre Chanik et Marcel. Ça a été enregistré à la foire de Bulat, c'est ça Henri? Oui, c'est après la foire de Bulat. Marcel Billand de Kerblay, qui est notre spécialiste des chevaux, à Zantolk. Donc on les écoute. Salut Marcel, mal argeux. Oh ya, Chanik, ne ce que te glem. Clévet de meuse, on remet de nevesso, bah foire Bulat. Ah ya, Chanik, guiré, monde rende bépla. Qu'est-ce que c'est pour un bel d'Honcou? Ah, ne moi que, mais Norvégien, ma trésorine. Bravo, Antrao. Oh, ya, zur, milardard, vois-tu des noms, à Tchézek, au Yéredois, à Chombedon, babulade, grande me merne. À grand au coin? Ah, non, ben, à un point de dière. Mais puis, j'adore me zbit, après, si vous voir, dièrien. À mon hérite? Ah, ya, ils veulent juste, Chanik, ils veulent juste. Eh ben voilà, on va reprendre phrase à phrase ce dialogue pour ceux qui ont eu un petit peu de mal à suivre. Donc entre Chanik qui travaille à la radio, on l'a compris, et Marcel qui lui... Chanik, la radio, il y a. La radio, oui. Et Marcel qui lui, donc, est le référent chevaux. Azantolok. Voilà. Salut de Marcel, ma de jeu. Oh, ya, Chanik. Donc salut de Marcel, ma de jeu. Ça va, comment ça va, hein? Oh, ya, Chanik, ne ce que te glem. Ne ce que te glem, il y a pas à se plaindre, hein. Glem, c'est plaindre ou se plaindre. Hein. Ne ce que de glem, il n'y a pas à se plaindre. Cléve de meuse, orbet, nevesso, bafoir, vulat. Ya, cléve de meuse, donc j'ai entendu dire, hein, orbet, que vous étiez allé, nevesso, il n'y a pas longtemps, bafoir, vulat, à la foire de Bulat. Ah, ya, Chanik, guiré, mon heure en bepla. Ya, Chanik, ah oui, Chanik, guiré, c'est vrai. Mont de Rente Bépla, je vais chaque année. J'y vais chaque année. Qu'a cette poids au Nobel de Honcourt? Yeah. Qu'a cette poids au Nobel de Honcourt? Vous aviez envoyé, hein, parce que casse, c'est hein, ce fameux verbe qui valise un peu, hein, un mot valise, comme on dit, qui veut dire envoyer, expédier, apporter, amener, tout amener, ça. Emmener. Donc, si c'est un poulain, on dirait amener. Ah, voilà. Casse, oui. Mais un breton peut dire vous avez envoyé un poulain. Ouais, envoyé, oui. Casse cette puce, hein, vous avez emmené un poulain, un neubel, hein, un mot qu'on a vu la semaine dernière, un neubel de Honcourt, hein, au concours. Parce que de temps en temps, il emmène un poulain au concours. Ni moi bête. Ne moquette. Ne moquette. Ne moquette, je n'avais pas fait. Bénard Végel, Martézé arrive. Oui, Bénard Végel, la prochaine fois, hein, peut-être je ferai. Ça c'est quelque chose qu'on dit souvent, hein. Bénard Végel, hein. Moi, ça permet d'éluder pas mal de choses. Brauan Trau, demande Chanik. Brauan Trau, hein, les choses étaient belles, hein. Ça s'est bien passé, quoi. Oh, Yazur, mais l'ardor, vois-tu de nous. Milardard ou atut, et non, hein. Je vous le dis, hein, milardard, hein, ça c'est un bretonisme fréquent, milardard, je vous dis, ou atut, et non, il y avait du monde là-bas, à Chizek et des chevaux. Rierredois, c'était une santé, hein. Rierredois, c'était vraiment agréable, hein. Rierredois, surtout qu'il faisait très beau, quoi. À Chaumedon de Babulat, gant me merne. Ah ouais, en plus, hein, à Chaumedon de Babulat, gant me merne. Alors, évidemment, si on traduisait littéralement, hein, je suis resté à Bulat avec mon déjeuner. C'est une façon de dire, hein, chaume gant me merne, hein, rester avec, rester déjeuner, hein. Et quand on invite quelqu'un, ben, chaume gant au courne, hein, reste avec ton dîner, hein. Voilà. Chaume gant, hein. À Gandocouan? Oui, alors elle est facétieuse. À Gandocouan et avec votre dîner aussi, hein? Et vous êtes resté dîner aussi? Ah non, ben neé ou un point dans la guerre. Ah bah non, benahan, hein. Alors oui, c'est neusé, hein. Nous on dit nahan ici, hein. Benahan ou un point dans la guerre. Il était temps de rentrer à la maison. Point noir, point, hein, point D, il est temps. Hein. Mais plus j'ai dur musbit. Mais plus j'ai dur musbit, hein, j'ai eu du plaisir. Ça m'a plu, c'était agréable, c'était bien. À Prestig, vos foires Kerien. Ah bah oui, bientôt, ce sera la foire de Kerien. À Monderit, demande Chanik. Oui, à Monderit. Et veulent juste Chanik qu'il répond. Bien sûr, Chanik, bien sûr. Bah oui, il va y aller forcément. Et s'il y avait encore à Plaisidi, il irait à Plaisidi. Troisième partie d'émission, Petra Zoneve Arvoeri. Kalze drau evel juz o neve boerve jdiouzan. Krogom de tianton vel kiz a custum, gandela bourdour hag ur vu e war ar mez. Eurie bremañ fin un an a mont de ram war zu un diskar amzor. Jo la Amser Dome so bit par de non, a vraiment evel juste et ignore un Amser, a deux de orglo. La redve, pevet ram de voir vulat de spep tout tagouat, a guir et blanc me roisse. Mais guir et oise en me au bandour qu'a trop oisir de cela rendu de propat. Bon, des hantor Gwengolo, Wadigor de chasse et bavro, ag ar zo beklev et kalze chasourien, ag chage au red de goa l'air long de goi. Kleves peus tenno fusil matrezen, ya. Ya, ya. Ag mi am meus klev dive, ha. Bon, c'est tu, had digor de chasse. Bafin, non, peve komz de zela au bourdouar, waler labourio bras, ve amzer gwelio vid la bourdouar, ag vid un dudiwar armez, da skwer bazant konan, oa un DL homis. Hag evegel moalar doa be krou de homiz baz an Nicolas, vid kantan zan Nicolas, ba mil no han c'hoer do ugen, oa l'er brazel benefin, met virion e oa be krou de homiz pel rog, pe dur oa be krou de kav meus boe, oa be krou de ba bla, mil eis kant seiz a tregan, gant se kant la rog, met pa de brazel oa ke bet komiz bet, a setu oa be hat krou de homiz, gant skip a Yogus de Rouen, ba waler brezel, met be wakrou et pelrog se. Bon hendel zo bet troel, ba vro, ba mur, zo bet foar biozon, ar ve gwell kalze dro, hag bouet bio a tro vid di or un padus, hag zo bet spen pet dengmil dut, bezaun, zizo bern, ba mur. Hendel oa ba loudiag m'an bet ur gwell ter attitude, ive. Hag ba roazon un del oa espas. Hag blan meus obet kom ze kalz ba espas deus ur pag neve. Petur ebe hat fram d'ur pag ur politikerez bro Europa oa ar la bourdoua. Hag bon gwell vez kler un tamm ba pe sa mod vo kon hag blan meus obet kom ze kalz de se. Bon, wardach en un économie, c'est vraiment, un emglev zo bezine, treur stal bolori à Renault, et vite d'ober, wardro un autoglas, galak velard zim loukar, galak monde, oui. Ok. Ya, dis se ve kont, bon, la kamzi autoglas, vid un brezon, hag zizo un drava, pu dur, ur pot d'autant, pot d'autant, vid, vid kaz un auto un dro, pu dur un auto dredant, pour d'autant quand le lithium va grette ba l'air gevrance un tos de gamper ag bon un autoglas ne vaut que grette de braise mais ba laboura de grondo ba diep mais pour d'autant ne vaut vos grette ba l'air gevrance bon wardach une économie soit ve comme ze calz en marément de un taille glace puis un écotax vide hamion de bonne armant n'est que quoi clair je peux dire vos radcas sans se voir bah miser et de vous de crew d'un taise à bénéfice ma treize ne vaut grève bah mis bah détient ton blanc puis au l'air ou encore puis ça me vaut compte mais de heureux au grand zébo peu de braise en me qu'à bonne d'une n'est que contenteur et de ce camion de beau prêtre bon dans mon temps moi d'action politikeres. Un DL oa bet imbant ad war ur gazet an ouest eclair vel ar emzat koz. Zo bet imbant ad karten Antonio. Antonio vel vun gret ba blad pemzek, da ouvil pemzek. Hag ne ket zur roaz o chak trez met bon deja ve komz e kalz de ze a zo reuz gant ze. Pe dur vid departement odou Narvor, EFE, seis canton noir nugen, hag pu dur vo pod hag ur plar dilen et ba pep canton, hein, zir a per a hantar kan, zir a daou mu ar vid pez oa rog, met non ket ne ke ma meus mod, pu dur kreske vo un hiver an ba canton yo hier yo, an eptor war ar mez. Da skwer vid canton rostren ar vo ledan et canton rostren, plus dur vos lacs bars quand on de Belcarès, quand on de Guar, quand on de San Nicolas. à plusieurs zo, bah, père, grand on zo, zo, zo père boat, zéraï tri, à golo, gardan. C'est une bonne, chance, réical, c'est trop. Quand on cala, que voilà que de, même ce mot, voilà que de bars, quand on boulevrie, quand on, bénard, bonne, c'est tu, quinze changements. Bon, Guelvo Pessamo, donc on a ma vaudère à noir à 13, mais des échanges au cas de drogue. Bah, quand on cal, à Gia Velmeslar, à Navola, qu'est canton de Boulevriag, à canton de Bénard. Bon, Nat Froma d'Urzeuz, au gré des vides, Ingal, Yentro, plusieurs, Lacat Canton, Yo, Wardro, Huguenemis, le Dut. Pes Nick, de, bah, vraiment, hein. Vraiment, bah, war Hermès, en meso, tripe vers mille bape. Quand on a un drôle de sombrier, gaz ou hugue de mille barantons, c'est une voie inégale d'un trou, mais échange au cas de drôle, plus dur, ranton, y'a ouzo, ou à bégrette de rendre l'assaut, à gagne du zo costume de grave de ranton, vers l'homme, bah, purement, bah, quand on s'en école, ça, du de grave ou drôle, m'a fait, bah, quand on rostraîne. Mais bon, change en trou. Bon, dans mon temps, moi, d'ache une, zévénature. Par la montre Europa, de ce Neveso, vote de Orgoulen, et vite fait faire bédouge une mur de ce Jésus Randvrol, pis là en demi de ce Jésus Guasket. On drava de vous voir Hirdermen, mais de bon, en me en bas brovrans, goudoir rame, vos sternes, trous, plus dur en me, mort galoud quand de Jacobine, Jacobine rue, Jacobine de glace, pis, Jacobine de pêcheur, mais, puis Jacobine de Gwen, mais, Jacobine de tout. C'est-tu, bonne, stère de veau, et vide, riez ou guasque de Mondoirog. Me me sera, tombe à tombe, vegwel, hein, bonne, vel, lycée d'Iwan, bah, carrez, ou mieux redoute, bonne, on tombe pépler, bah, plouvagors, au digor, de, orlas, diouyezek, bah, bah, voulvriag, zo, scoldi, wand, bon, tom, attend, me, ha, un trou, warog, mais, quand, calz, beer, elle, veut juste, bon, on tom, war, même, se, tachen, escop, gwen, de, ne, zin, ne, ce, que, wal, belzo, carta, yader, brezon, hag, bon, zézon, dravat, ka, gwal, bon, war, on dramnek, et, vide, en brezon, ne, babu, et, nilis, puis, dur, bon, alice, pe, hand, dans l'île Benek de Pio Bidou puis tremblant au nord de Benek de Vendipit Bras quoi le vec qui est en raison de Bétine vejo même ce vec en raison de Bétine ag bon bavro en me grandze me me sera eusus puis hudur ag bon au nom sur zobé de Vigelar et de ba ou raison de gag fait velbreu à roi brésil mais jio astram de énorme sur zag ni les officiers, elle bon pas de zoé de voir, hinder, jacobine, de heuille jacobine. Bon, même ce mazo, au neubet belayen, même ce sera, der, labour à des vides, vous, une temps présent, nous, même ce sera, ben, ni l'ijo. Bon, bavrose au calze de drogue de l'art, hein, de la rinque et tout. NDL, bah, très mal, de, ou à Igor, de voir un ton de bras, had froma dur, bourg. Bourg zo bétien pene de velvegret calze blasse ou mais batre malgat zo ondra ispici à longtemps pu dure labour tout de labour yo zo bégret gant tu de yulva de ze barous ag bon ag braoui bourg tre malgat vraiment ag nili zo bé had neve ze divé bon c'est tu ndrava de vide tre malgat de hugen lasso ou abit de imbande gant de liam tient en lever Barzonego Angela Duval, ou à Hound Con and Duar, à Gazo, au droit précieux, et ville tout de Bretonnet, hein, et ville glade en Bretonnet. NDL, bah, Casteltron Joli, Tos de Gourin, ou à Bête, concours Zonerien, Zonerien, Bignou à Bombard, hein, à Bonne, Arzo Bécal Zedud, hein, ag zézo, zézo ndra guerre, hein, pu dur, seis la hanter kanzo, vegré de honkours, ag blanc me wa, vide vichienta wa honkour danse de heuille. Bon, Zéland Peso Bavro, Melion, Gezo, Urma, Raymond, Nevedigor, Disquezad, Troukizelet, Gret Grand Orgedridig, Skizelan, Ag Bon, Betag, Noneg, De Zevitz, Du, Bardosé, Ag Digo, Redé de Doudun, Du, De Veljust, Ag Ola, Bour, Ispici, Alvo, Gret Grand Vidor Skoliou, Gandor Plario, Ag Zo Hang, Sylvie Perdrio, Ag la bourre au grandeur scolage, scolio ag la scolage. Bon, roas bavro, gualarit zo calze drog, had lance des brémans ur presbital cause balandelo, ag pudio wa bezer triblasso, a brémans vo had krog et gand un trog, même sran wa bet der had hentelio brezon, med de bron brémans vo moyen de zigori noa de landelo, vi calze du de touriste da tudel, Astroladou, ag, Orberstage, ou ar Arglad, Bepsartro. Hendel, ur film zo begret gant, Vulugui, ou zar, di war ben, gwerz, Louira Valek, ag labour zo vo gwell de ma Rini vo Rouen, ou ar, un TV, TBO, un tri de Zuiz Heeri. A mezon, il y a comme sera arrivé de ce labour grec war guerz Louis Ravalle quand Donatien Laurent. Bon, bah grec me monte en trop de spézonné et bavro, parce que là tout mais belle arvégel ou là. Regarderi, kenavo. Kenavo.